Ça fait pow pow, t-shirt croco. On fume le pow pow et on fuck la pow pow. Les qui prennent en photo en bas du bloc gros. Ça sort le glock, oh, on a la mental loco. Ça fait pow pow, t-shirt croco. J'étais dans la cabelle, je repense à tout ce que j'ai fait travers. On prend pas de coco, mais je la vends à tes potos. Sans savoir, je fais des photos avec des donneuses de go. Ça fait pow pow. En cas de blême pro, t'es trahi par ton poteau. Et tu disais qu'il t'aime trop. J'ai des frérots en folle. Ça boit, ça picole. Du fond de leur cellule, ils continuent à te faire passer des tonnes. Ils te font la mentale. Esquiver toutes les jamais l'adversaire, le plus petit peut te mettre par terre. Ça fait pow pow, t-shirt croco. On fume le pow pow et on fuck la pow pow. Les qui prennent en photo en bas du bloc gros. Ça sort le glock, oh, on a la mental loco. Ça fait pow pow, t-shirt croco. On fume le pow pow et on fuck la pow pow. Les qui prennent en photo en bas du bloc. Est-ce qu'on va se mentir? Va-t-on se repentir? Oh, oh, oh. Quand tu sors, tu donnes des ordres. T'es le plus petit de la zone, mais dehors, tu contrôles la zone. Alors tu claques des sommes toute la semaine. Et une fois que t'es dedans, y'a plus des gains pour t'assumer. Je sais pas comment faire pour te raisonner. Tu viens de commencer, j'ai déjà fini. On voulait terre-terre et faire des lovés. À 6h du mat, ça vient de soulever. Ça fait pow pow, t-shirt croco. On fume le pow pow et on fuck la pow.